êtes bien sur Radio Fadjet 94.2 dans l'émission Les bons plans solidaires présentée par le GSA du groupe Arelia. Aujourd'hui sur le plateau, l'équipe de la Dream Team sera composée de Khadija et d'Alain. Bonjour. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Denis Grison, le président de l'association UP2V, donc Union Populaire et Participative de Vendeuvre, ainsi que Monsieur Michael Zenèbre-Collin, qui vont nous parler de l'UP2V et puis également de l'élément phare de ce week-end qui aura lieu le samedi 13 mai, la Fête des Lumières à Vendeuvre. Bonjour Monsieur Grison. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est donc exactement l'UP2V ? Alors, ce n'est pas l'Union, c'est l'Université Populaire Participative de Vendeuvre. Mais bon, université, ça ne veut pas dire qu'on a la grosse tête. On est populaire dans le sens où on veut, et c'est la vocation de cette université qui est née il y a maintenant 8 ans, on veut partager les savoirs vers des publics qui en sont éloignés, à la fois pour élargir la connaissance, parce que savoir, c'est toujours un bonheur, et donc porter le savoir, c'est porter du bonheur chez les gens, et puis aussi pour bien s'inscrire dans la perspective de la transition, parce que chacun comprend qu'aujourd'hui, le monde va dans des situations très compliquées, qu'il faut se reprendre en main, qu'il faut changer le modèle social, écologique. Et donc, c'est aussi une vocation de l'université populaire. UP2V. Alors, il y a un deuxième P pour participatif, parce que on veut pas être une association qui va du haut en bas, descendante. On veut aussi être montant dans le sens où on est à l'écoute et on partage des savoirs et on partage des réflexions avec un maximum de personnes et d'habitants. Alors, de la ville de Vendeuvre où on est installé, mais aussi ça déborde sur la métropole. Donc en fait, n'importe quel habitant de la grande métropole de Nancy peut venir à l'UP2V oui, s'il le souhaite. Oui, bien sûr. Tout le monde est invité. D'ailleurs, dans le noyau un peu qui pilote et qui porte, il y a des gens qui ne sont pas seulement des Vendeupériens, même si la majorité d'entre nous sommes Vendeupériens et attachés à notre ville. Alors maintenant, la Fête du Lumière, quelle place et comment elle s'inscrit dans cette université ? Eh bien, dès que nous nous sommes créés, nous avons bien compris que même s'il y a une offre alors, de conférences, de cours, d'ateliers, de débats citoyens, qui est faite très largement aux habitants de la ville, tout le monde ne vient pas spontanément. Il y a une barrière qui reste, une difficulté pour beaucoup à venir rencontrer dans un cadre municipal, proposer des gens qui font une offre de conférences ou de cours. Et donc nous sommes dit que c'était important, nous, de nous déplacer et d'aller nous inscrire là, au cœur du public que nous voulons atteindre, qui est celui qui est le plus éloigné, et en particulier, donc nous, à Vendeuvre, on a une grosse ZUP, et dans la ZUP, il y a une partie encore plus, peut-être, qui peut se sentir plus délaissée ou tenu à l'écart, qui est le quartier Coppens Étoile, de Vendeste Étoile, autour de l'espace Coppens. Et donc, nous sommes dit que nous allions y créer un événement avec les associations, avec les habitants, pour essayer de faire connaître l'UP2V, de connaître les habitants et de pouvoir créer, dans la mesure du possible, des activités qui soient pérennes. Alors, c'est la quatrième édition de cette Fête des Lumières. Il y en a eu deux avant le Covid, en 2018-2019. Et puis là, c'est la deuxième post-Covid, donc 2022-2023. Nous avons aussi, dans nos objectifs, d'accompagner le quartier et ses habitants dans la grande mutation urbaine qui est en cours. C'est le projet dit ANRU, c'est les projets de l'État pour restructurer, améliorer la qualité de l'habitat, de la vie d'espace public dans les quartiers. Il y a donc une très très grosse opération autour de Vendeste Étoile qui est en cours. Et donc, un des objectifs de l'UP2V et un des ateliers dont Michael va nous parler après de cette Fête des Lumières consistera à associer les habitants pour mieux comprendre ce qui est en route et surtout faire des propositions sur l'image qu'ils voudraient avoir de leur quartier demain, enfin l'image sur la réalité Et pour ça, nous profiterons d'un outil interactif assez remarquable, qui est un très grand écran sur lequel est projeté, sont projetées des vues de la ville de Vendeuvre, aérienne, qui permettent à la fois de bien voir l'espace de façon générale, et puis en se rapprochant, et ben de voir un petit peu comment les choses sont aujourd'hui, et de pouvoir faire des propositions d'aménagement pour la ville de demain. Voilà, mais là je rentre dans le contenu de cette édition, et je pense que Michael va pouvoir nous dire tout ce qui est prévu, qui est assez impressionnant et alléchant. Merci beaucoup, Denis Grison. Michael, alors, nous présente la Fête des Lumières. Alors, cette quatrième édition, elle est, on va dire, un peu réinventée autour d'un collectif qu'on a nommé Collectif Fête des Lumières, rassemblant aujourd'hui un peu plus d'une trentaine d'associations qui se sont mobilisées, dont le GSA, dont Aurélia, pour proposer des activités interactives et participatives, puisque l'objet, ce n'est pas simplement une présentation de telle ou telle association, c'est de faire participer le public du quartier, bien entendu, mais plus largement de la ville, voire de la métropole, puisque cette année, l'idée est de démontrer aussi que des quartiers même populaires où la ZUP vend des étoiles puissent également rayonner sur l'ensemble, c'est une fierté aussi pour ce quartier, à rayonner sur l'ensemble de la métropole, et puis également d'amener au plus près de ses habitants un grand nombre d'activités dont ils n'ont pas l'habitude d'aller toucher ou voir, etc. Donc le programme se découpe en quatre grands espaces, un espace découverte et science, donc là on vient bien à la logique de la Fête des Lumières, accès à la science, l'innovation, la réflexion. On retrouve l'université. Voilà, l'université. Un espace détente et dialogue, dont l'espace Vendeste hier, aujourd'hui, demain, est un espace de dialogue avec les habitants du quartier, voire de la ville. Un troisième espace qui est la transition écologique. Là, on revient bien également sur l'idée initiale de l'UP2V. Et le troisième, sur la question de la culture urbaine, qui est parfaitement à sa place dans ce type de quartier et dans les villes et la métropole. Autour de ces quatre grands items, on a donc une trentaine d'associations, une quarantaine d'animations qui vont être proposées toute l'après-midi, donc de 14h à 18h30, à tous les publics. Donc ça s'adapte aussi bien à des publics de jeunes enfants, 4-5 ans, de pré-ados, 10-12 ans, ou d'ados, ou d'adultes, voire même de famille. C'est-à-dire que dans les 40 animations, ça s'adresse à tout le monde pourra y trouver des pistes d'exemple. Par exemple, si des jeunes enfants ont un problème avec leur doudou qui est à réparer, ben, il y a un atelier réparation de doudou. Bon, c'est un détail, mais on a un atelier rempotage de plants de tomates. Même si vous n'avez pas de jardin, on va rempoter des petits plants de tomates et vous pourrez repartir avec pour mettre sur votre balcon et avoir des petites tomates cerises ou du basilic dans les prochaines semaines. Voilà, donc c'est beaucoup de détails. On a un pôle astronomie, on a un pôle découverte de la faune, de la flore. On a des petites expériences et des space games qui vont être mis en place pour les enfants de sciences scientifiques et autres. Pour des adultes, on a une fresque du climat, donc une réflexion sur l'évolution du climat, les bonnes questions, en tout cas comprendre ces évolutions et pas simplement entendre, il faut faire attention, non, pourquoi, quelle est la réalité et comment je peux me positionner. Avec quelques points forts également dans la journée, donc à 15h30, un film « Paroles et mémoires de femmes », donc des femmes issues de l'immigration qui se sont exprimées, c'est un film qui est national, et on a l'exclusivité ce jour-là pour le présenter en Lorraine et à Nancy et à Vendeuvre. Le réalisateur sera là, il y aura un petit débat après. Il y a même des femmes du secteur de Vendeuvre ou de Nancy qui ont été interviewées, donc qui s'expriment. Donc l'accès est libre. Un concert musical, musique méditerranéenne, donc avec des extraits de musique de tous les pays qui autour de la Méditerranée, donc ça part de la France, ça fait la Grèce, ça va Chypre, Israël, l'Égypte, le Maroc, et on revient de l'autre côté par l'Espagne et autres. Et donc ça, c'est à 18h30, pendant une heure. Un spectacle théâtral et d'improvisation à 19h30, à l'amphithéâtre. Je repréciserai le lieu exact tout à l'heure, pour bien que tout le monde s'y retrouve, qui s'appelle Imaginature, avec Bonhomme et compagnie. Et on a déjà eu deux ateliers, par exemple, avec des enfants, parce que c'est ça aussi l'idée de la Fête des Lumières, d'avoir des ateliers en amont. Et on a 45 enfants qui ont participé à la préconstruction de cette pièce et à faire des illustrations pour cette pièce de théâtre. Et enfin, un dîner qui aura lieu à partir de 20h30, Saveurs du Monde. Ça sera les saveurs du Maghreb, avec des plats spécifiques du Maghreb qui seront présentés. Alors là, tout est gratuit, sauf le dîner. Il reste à ce jour 15 ou 20 places, donc on peut encore s'inscrire samedi sur place. Et le dîner, c'était 5 euros les adultes, 2 euros les enfants. Donc ça reste très raisonnable, mais il y a quasiment plus de places, donc il faut se dépêcher. Voilà. Et puis le point dont Denis Grison expliquait tout à l'heure, c'est un point plus spécifique pour le quartier, donc avec l'implication des habitants, une présentation également d'une expo photo qui a été faite par les enfants, donc pareil dans des ateliers en amont, des photos qui ont été faites sur le quartier, sur le développement du quartier, et c'est les enfants qui présenteront cette expo photo. Il y aura une présentation à 15h par les enfants, des photos qu'ils ont faites sur le quartier qui sera visible toute l'après-midi. Ensuite, on a une présentation d'anciennes images et de cartographies via un outil de l'IGN qui s'appelle Remonter le temps. On va avoir des cartes anciennes, des photos anciennes qui seront présentées sur le territoire de Vendeuve. C'est hyper intéressant et les personnes pourront y retourner après puisqu'on peut aller sur le site internet voir les choses soi-même, et même si on n'habite pas Vendeuve, de sa ville, de son village, ailleurs. C'est l'IGN qui a mis ça en place, c'est génial. Et puis, comme le disait Denis, avec un grand écran interactif qui va présenter le projet d'évolution de la ville et puis d'essayer de faire parler des habitants ou autres, sur leurs avis, en tout cas sur ce qui est proposé. Il va y avoir des bâtiments qui vont être démolis, d'autres construits. Ils seront moins hauts, moins de monde. Il y a des questions qui vont être posées sur le stationnement, sur où vont les gens après et autres. Et puis, comment on réaménage ce quartier. Ça, c'est un début de travail, parce que ce n'est pas une après-midi qu'on peut résoudre tout, mais l'UPDV a une volonté aussi d'engager ce discours et d'accompagner cette démarche de rénovation d'un quartier en impliquant au maximum les habitants. Avec des rencontres régulières qu'on voudrait programmer à partir de la rentrée de septembre 2023. Pour accompagner les habitants dans cette grande réflexion et grande démarche. Voilà. Donc des rencontres régulières qui auraient lieu à l'espace Copain. Oui, le but, c'est vraiment de faire vivre une activité là où les choses se vivent, sur place, parce que c'est ce quartier qui est impacté, et c'est là qu'il faut être pour accompagner les habitants. Il m'a dit l'année dernière, qu'est-ce que vous croyez, on vit dans un zoo, ici on vient nous jeter une cacahuète de temps en temps, et puis c'est tout. Enfin, ils avaient vraiment l'impression d'être Laissés pour compte. C'est plus la cacahuète, c'est les habitants qui vont lancer les cacahuètes aux autres. Voilà. Parce que c'est une vraie vitrine d'un territoire. On n'arrête pas de dire, oui, ça va pas, c'est pauvre, il y a des difficultés, etc. Ouais. Mais là, on voit bien que ce territoire est en train de se mobiliser et va donner une image de ce quartier qui est hyper positive, hyper dynamique. C'est la première fois, moi qui travaille avec les services techniques, avec différents lieux, c'est quasiment le plus gros événement de Vendeuvre cette année. Mmh. Hormis la fête des associations, mais c'est plus statique, puisque c'est les associations qui présentent leur activité. Mais en termes d'animation, d'implication du monde associatif, du monde de l'accompagnement social et autres, c'est le plus gros événement de Vendeuvre. On a été obligé de prendre du matériel dans d'autres villes d'à côté, parce qu'on n'en a pas assez. Voilà, donc, Et puis c'est très étonnant de voir le décalage qu'il y a entre l'image qui est très mauvaise, à la fois de Vendeuvre et de la ZUP de Vendeuvre dans l'agglomération de Nancy, et puis la réalité de ce qui est vécu à Vendeuvre, où le milieu associatif est d'une richesse incroyable, où il y a une activité culturelle qui est aussi formidable, et en particulier dans la ZUP, dans ce quartier, qui est parfois dénigré, mais qui est plein de ressources sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Et c'est une dynamique qui vraiment est amenée à perdurer et à s'amplifier. Ah oui, je connais une petite qui habite précisément dans un immeuble qui va être démoli. Mmh. Et son angoisse absolue, c'est de peut-être quitter Vendeuvre, de ne pas pouvoir être logé sur Vendeuvre et de perdre sa vie. Elle est vendopérienne à fond. Elle a toujours vécu là et c'est son quartier, elle l'aime. C'est les premières questions posées. C'est pas comment va être le prochain immeuble, c'est où je vais après. Est-ce que je suis encore ici ou où je vais après. Voilà. Ça, c'est son angoisse, c'est de quitter son environnement, ses copines, son école, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un élément majeur et il y aura des travaux toute l'année. Mais globalement, ça ne s'adresse pas qu'aux habitants du quartier. Moi, j'encourage les Nanciens qui n'ont pas beaucoup de fêtes comme ça à Nancy. Non. C'est très statique en général à Nancy. Venez à Vendeuve, vous allez voir comment c'est dynamique à Vendeuve, vous allez participer à des activités. On a un petit tournoi de foot avec des équipes de 3 toute l'après-midi. On a un foot golf par exemple qui va être mis en place, un skatepark mobile, un tournoi de basket. Il y a du graphe, il y a des ateliers graphes avec des graffeurs professionnels, donc des ateliers peinture pour les enfants. Je crois que c'est réellement, moi, ça fait 25 ans que je suis sur le secteur de la métropole, j'ai jamais vu un événement aussi interactif, participatif. D'habitude, c'est très statique. C'est-à-dire, on regarde un stand, voilà, l'association, là, elle propose ça, on nous propose de nous inscrire prochainement. Non, là, vous participez le samedi après-midi, vous vous éclatez toute l'après-midi. Voilà. Bon, moi, j'espère que ça va être une belle journée. Ça le sera. Et puis la météo a l'air de tourner du bon côté, donc c'est encore très encourageant. Mais a priori, samedi devrait faire beau. Devrait mais le principal... Ouais. Ah, mais moi, j'y crois pas à tout ça, vrai. Parce que le beau temps, il va être dans nos yeux et dans notre cœur. Donc, voilà. C'est ça le principal. Ouais, ouais. Voilà. Et venez nombreux, on aura la banane et on vous donnera la banane également. On partagera tout cet enthousiasme avec vous. Avant de vous laisser partir, je vais quand même vous demander de nous rappeler exactement l'endroit où ça va se passer, toute cette belle histoire. Alors, Aline Marken, Espace Coppens, Yves Coppens, à Vendeuvre-les-Nancy. Vous tapez ça sur Mappy ou tout système et vous allez trouver. C'est dans le quartier Vendest-Étoile. Donc là, il y a de la signalétique. Et c'est un magnifique lieu à découvrir avec de la verdure et de grands espaces. Non, mais c'est tout près du parc Richard Pouille, en fait. Tout à fait, ça touche à côté du stade. Bah, merci beaucoup. Merci. Avant la première pause musicale, nous allons retrouver Khadija qui va nous lire un poème de Victor Hugo, 1er mai. Oui, bonjour Bertrand, comme c'est le mois de mai, j'ai choisi une petite poésie de Victor Hugo. Ça s'appelle 1er mai. Tout conjugue le verbe aimer, voici le rose, je ne suis pas en train de parler d'autre chose. 1er mai, l'amour, gai, triste, brûlant, jaloux, fit soupir les bois, les nez, les fleurs, les loups. L'arbre où gît l'autre automne écrit une devise, la redit pour son compte et croit qu'il improvise. Le vieux en autre pensif d'Henri le gît mon cœur. Clignant leurs gros sourcils et font la bouche en cœur. L'atmosphère embaumée et tendre semble pleine des déclarations que printemps fait la plaine et que l'herbe amoureuse adresse au ciel charmant. À chaque pas du jour dans le bleu fermement, la compagnie éperdue est toujours plus éprise. Prodige les senteurs et dans la tiède brise. On voit au renouveau ses baisers odorants. Tous ces bouquets, azur, carmin, pourpre, safran, dont la laine s'envole en murmurant « Je t'aime ». Sur le ravin, l'étang, le pré, le silon même font des taches partout de toutes les couleurs. Et donnant les parfums, elle a gardé les fleurs, comme ses soupirs et ses tendres missives. Au mois de mai, qui rit dans les branches lascives et tous les baies doux de son amour bavard, avaient laissé leurs traces aux pages du bivard. Les oiseaux dans les bois molles voient étouffés, chantent les triolets et des rondeux aux fuies. Tout semble confié à l'ombre un doux secret. Tu aimes et tu l'avoues à voix basse. On dirait qu'au nord ou au sud de Brillon, au couchant, à l'horreur, la haie en fleurs, le lierre et la source sonore. Les monts, les champs, les lacs et les chênes mouvants répètent un quartin fait par les quatre vents. Victor Hugo. Merci beaucoup, Khadija. Je rappelle quand même qu'il y a quelques années encore, nous ne parlais pas un mot de français. Donc, c'est pas mal du tout. Et donc, nous allons avoir notre pause musicale. Une chanson de Florent Pagny qui date de mai 2003. Et donc, c'est Ma liberté de penser de Florent Pagny à qui nous souhaitons un bon rétablissement. Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé. Ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur et dont je n'ai plus rien à faire. Quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère. Tout ce qui est beau et compte pour moi, je préfère que ça parte à la Bévière. Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas liberté de penser. Ma liberté de penser. De penser. Quitte à tout prendre et tout solder pour que vos petites affaires s'arrangent. Je prends juste mon pyjama rayé, je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez bien même tout garder, j'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller si le paradis vous est offert. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger. Puisqu'ici tout est négociable. Mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas, ma liberté de penser. Ma liberté de penser. Alors après ce petit intermède musical, nous recevons Nathalie Jerega et Wardi Afian de l'association Si on se parlait de l'AXOU, qui sont venus donc nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit comme association et ce qu'ils font. Très bien, bonjour, ben moi je me présente, Wardi Afian, donc je suis le coordinateur de l'association Si on se parlait, qui se trouve donc sur le quartier des provinces à l'AXOU, qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc l'association, pour aller, pour faire court, elle vient en aide aux habitants de ce quartier, mais pas seulement. Elle est ouverte un peu à tous les habitants de la ville de l'AXOU et même au-delà, puisqu'on a commencé à développer cette association autour d'animation du quartier pour les habitants, à la demande des habitants. Et puis ensuite, progressivement, l'association s'est développée, a accueilli des salariés pour répondre à des vrais besoins sociaux sur ce quartier-là, des besoins qui n'étaient pas couverts, puisque c'est un quartier prioritaire dans le cadre de la politique de la ville, et qui malgré tout ne dispose pas de centre social, ni de MJC, ni de structure de ce type. Et donc on a fait progresser cette association pour l'amener à devenir aujourd'hui un espace de vie sociale qui offre pas mal de services aux habitants, donc de l'accompagnement scolaire pour les enfants des écoles primaires, des cours de français pour les gens qui arrivent sur notre territoire et qui ne maîtrisent pas la langue, des actions de soutien à la fonction parentale pour accompagner les parents dans le cadre de l'éducation de leurs enfants. Ensuite, toute une série d'animations et de sorties famille dans le cadre des loisirs famille de proximité qui sont financées par nos partenaires, donc la CAF, l'État, le conseil départemental, la mairie de l'AXOU, la métropole, des partenaires privés comme Batigère, Intermarché. Nous avons également tout un tas d'actions autour de soutien pour aider les gens dans les démarches administratives pour l'accès aux droits. Donc pour ce faire, on les accompagne sur les dossiers, dans la rédaction de courriers, dans les démarches quand c'est nécessaire, même physiquement parfois lorsque les gens n'ont pas les moyens de se déplacer ou ont des difficultés. Et puis on leur donne des cours d'informatique également pour leur permettre de se familiariser avec l'outil informatique et pouvoir accompagner à la fois leurs enfants dans le cadre de la scolarité, puisque maintenant beaucoup de choses passent par l'outil informatique, mais également pour les démarches administratives qui sont complètement de plus en plus dématérialisées et qui laissent pas mal de gens en fait sur le carreau, puisque les gens ne sont pas préparés à cette dématérialisation. Donc, en plus de tout ça, on accueille aussi des seniors qui viennent faire des activités régulièrement en bas d'immeubles, comme on dit. Donc, il y a des jeux de société, il y a un petit coin où ils peuvent boire un petit café, échanger entre eux, monter des projets et faire des sorties entre seniors. Donc, on a aussi la possibilité de venir chez nous pour de l'aide alimentaire. Parce qu'on depuis plusieurs années maintenant, on intervient auprès des familles en lien avec les travailleurs sociaux du quartier pour permettre aux familles de s'alimenter le plus correctement possible. Et on travaille en partenariat avec la Banque alimentaire du Grand Nancy qui vient nous aider sur la fourniture des denrées alimentaires que nous rétrocédons aux familles de la ville de Laxou qui sont souvent orientées par les assistantes sociales ou les travailleurs sociaux des différents services de la commune et des autres associations. Donc je ne vous ai pas tout dit encore, j'en garde un peu pour tout à l'heure, mais voilà pour une première approche. Donc je vais peut-être laisser la parole à ma collègue Nathalie, qui est administratrice chez nous, qui peut vous expliquer aussi ce qu'elle fait de son côté à l'association. Voilà, bon, moi je m'appelle Nathalie Gérega, je suis habitante de Laxou. Donc je fais partie de l'association depuis plusieurs années. J'ai connu l'association grâce à mes filles, parce qu'ils ont fait justement des chantiers jeunes. Et donc, ils m'ont donné le nom de Monsieur Afian. Et donc, je l'ai contacté pour avoir des paniers alimentaires. Donc, après, je me suis investie dans l'association pour faire les paniers repas, justement. Et puis après, je me suis investie de plus en plus dans l'association. Vous êtes combien de travailleurs, entre guillemets, que ce soit bénévoles ou salariés ? Parce qu'il y a un fou du monde pour faire vous remplacez à la fois, vous faites MJC, vous faites épicerie solidaire, vous faites tout en même temps, quoi. Alors effectivement, notre mode de fonctionnement est le suivant. En fait, c'est une association d'habitants de quartier qui s'est créée pour répondre à des besoins d'autres habitants du quartier, ouais. Puisqu'il n'y avait pas de réponse. Donc, au lieu d'attendre une réponse ou de réclamer des choses, on s'est organisé entre habitants du quartier à la base. Donc au départ, il n'y avait que des bénévoles dans l'association. Moi-même, j'ai été pendant 10 ans bénévole. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, l'association a progressé, s'est professionnalisée pour répondre aux besoins. Du coup, aujourd'hui, on a une équipe de 6 salariés et entre 16 à 20 bénévoles en fonction des besoins qui interviennent sur les actions que nous mettons en place. Alors la particularité, c'est que, en fait, comme vient de l'expliquer Nathalie, nous accueillons des gens qui viennent consommer un service chez nous. Elle est venue par rapport à l'aide alimentaire. Et puis ensuite, on discute avec les gens, on les intègre, on les rend acteurs dans l'association pour qu'ils ne restent pas uniquement simples consommateurs. Et puis même, quand c'est possible et quand les gens le souhaitent, on les accompagne, on essaie de les faire monter en compétences et ils deviennent administrateurs. Nathalie, maintenant, est administratrice chez nous. Donc, elle dirige l'association. C'est pour ça que tout à l'heure, en rigolant, je vous ai dit c'est mon employeur, mais effectivement, c'est mon patron en réalité. Donc, moi, je suis salarié maintenant, je ne suis plus bénévole, mais du coup, elle est administratrice et donc, elle fait partie des gens qui dirigent l'association et donc qui m'emploient. Voilà. Donc, permettre aux gens de se prendre en main et de monter en compétences et de venir de dépasser un peu les limites qu'on se fixe un peu tous dans la tête en se disant c'est pas pour moi, je suis pas en capacité d'eux. En fait, les gens, quand on leur donne les moyens, ils peuvent devenir acteurs de leur propre destin. Ouais, mais donc moi, après. Le panier alimentaire, vous êtes devenu suite à ça, le patron du gars que vous avez été bénévole, j'ai aidé après à aller d'autres voir. Après, ça a continué pendant les vacances scolaires. Et puis maintenant, on a ouvert en septembre, si je ne me trompe pas, l'atelier couture avec Sylvie, pareil, une bénévole aussi. Et puis maintenant, on fait les repas aussi au tiers-lieu. Voilà. On participe alors, comme on peut. Alors oui, effectivement, donc les gens qu'on accueille viennent dans l'association comme ils sont. Donc, et puis ensuite, on travaille avec eux sur les idées qu'ils pourraient amener à l'association pour faire évoluer l'association et les projets qu'elle porte. Et effectivement, Nathalie, avec une autre personne qui est aussi adhérente depuis à peu près la même période que toi, ont constitué une équipe et ont créé un atelier couture qui tourne depuis maintenant. Alors, c'est septembre, mais de l'année dernière, hein, Nathalie. Donc, oui, donc ça fait déjà un peu plus d'un an maintenant que l'atelier couture fonctionne. Et du coup, effectivement, on a aussi travaillé. J'étais venu il y a quelques temps ici pour l'annoncer. On a travaillé sur la réalisation d'un tiers-lieu. Donc, un tiers-lieu sur le quartier des provinces, puisque, bon, on trouvait un peu... étonnant qu'il n'y ait pas ce type de structure sur ce quartier-là. Et puis nous, on est attachés depuis longtemps à la débrouille, comme on est une association comme plein d'autres associations. En fait, hein, on travaille tous, nous, avec les moyens du bord. Et donc, on a l'habitude de récupérer, de recycler des choses, de réemployer des choses. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un service pour les familles de ce quartier-là autour du recyclage. Donc, du coup, ce tiers-lieu-là sert à agglomérer trois activités principales. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de service type centre social ou MJC, donc on a créé celui-là pour qu'il soit ouvert au public, pour que les gens puissent venir s'asseoir, boire un café, discuter avec d'autres gens. Ça leur permet d'avoir un lieu autre que le bistrot, qui d'ailleurs va fermer parce qu'on est en pleine rénovation urbaine et que les commerces du quartier vont fermer les uns derrière les autres en attendant le déménagement et la réinstallation ailleurs. Donc du coup, ça met un petit coup à la vie sociale du quartier. Donc l'idée, c'est de pallier à ça en offrant un lieu qui permette ça. Par ailleurs, on y organise des repas de manière hebdomadaire peu près. Donc, toutes les semaines, il y a un repas pour permettre aux gens de se retrouver, de discuter, d'échanger autour d'un bon repas et de découvrir la gastronomie d'un autre pays quand c'est possible. Et du coup, on implique les gens, les usagers de l'association et les bénévoles pour organiser ces temps de repas. Et dans le même lieu, il y a une recyclerie. Donc, on récupère les choses que les gens nous donnent pour les nettoyer, les remettre en état et les revendre à petit prix, ce qui nous a permis de créer de nouveaux emplois dans l'association en contrat aidé. Et on va à terme créer un poste de coordinateur également pour cette recyclerie, puisqu'elle va développer tout un tas d'animations autour de tout ce qui est environnement, donc sensibilisation à l'environnement, sensibilisation au réemploi et au détournement d'objets, création. Et l'idée, c'est d'aller au maximum dans la réutilisation pour limiter les déchets, puisqu'on est tous conscients qu'aujourd'hui, la planète peut plus supporter tous les déchets qu'on produit. Et en plus, c'est vertueux parce que ça crée de l'emploi pour des gens du quartier qui n'en ont pas. Et derrière, on va y ajouter une outil tech. Donc l'outil tech, ce sera la dernière phase du développement de ce projet qui va permettre d'avoir des outils qu'on va se procurer, soit qu'on va nous donner, soit qu'on va acheter. Mais l'idée, c'est qu'au lieu que les gens aient acheté une perceuse, on sait qu'en moyenne, puisqu'il y a des études qui ont été faites là-dessus, les gens utilisent une perceuse quelques minutes dans toute une vie parce que, ils sont pas toujours forcément tous bricoleurs, ils en ont besoin pour percer trois trous et voilà. Donc l'idée, c'est de fournir des outils pour que les gens viennent les emprunter gratuitement à la recyclerie et puis les utilisent et les rapportent pour ne pas générer des tas d'achats qui sont inutiles pour les familles et qui pèsent dans le budget familial. Et comme ça, ils dégagent ce budget-là pour autre chose, les loisirs, les vêtements des enfants ou de l'alimentation tout simplement, puisqu'on est dans une période d'hyperinflation actuellement. Donc, en fait, l'AXOU, et même éventuellement, vous... Ah, c'est l'agglomération, maintenant. Oui. Non, on est fermé à personne. C'est un gars qui serait limite Nancy l'AXOU. Il n'habite pas l'AXOU, mais il n'est pas loin. Il peut venir chez vous. Non, il n'y a aucune limite. Alors, nous, il y a certains services qui sont limités. Le seul service qui est limité, c'est l'aide alimentaire. Oui, ça. Parce qu'il y a des associations similaires qui font la même chose dans d'autres villes de la métropole. Et donc, du coup, on peut... Et puis, on peut pas accueillir tout le monde. Ouais, on n'a pas les moyens d'accueillir tout le monde. Oui. Voilà. Maintenant, c'est la seule chose qui est limitée territorialement. Après, pour être adhérent chez nous, on peut même habiter à l'autre bout de la France, il n'y a aucun problème. C'est ouvert. Mais on a des gens qui ont adhéré, qui ont déménagé, qui sont restés adhérents. Et quand ils reviennent en vacances voir la famille, ils viennent participer à des activités. Et donc ça arrive. C'est pas tous les gens, mais ça arrive. D'accord. Donc il n'y a pas de limite, si vous voulez. On est une association ouverte, apolitique. Il n'y a aucune obédience particulière, donc n'importe qui souhaite adhérer à l'association, la porte lui est ouverte, à condition de respecter les uns et les autres, bien évidemment. Ah oui, bien sûr. Pour les gens comme Alain qui habitent à l'AXOU mais qui ne font pas partie de votre association, pour d'autres habitants de l'AXOU ou même de l'agglomération qui souhaiteraient vous rejoindre, venir à votre association, où peut-on vous trouver ? Écoutez, c'est simple, on est en train de travailler sur notre site internet. Donc on avait un site internet qui était devenu obsolète, donc on l'a supprimé. Donc on est actuellement en train de mettre en place un nouveau site internet qui regroupe l'ensemble des activités, y compris les nouvelles. Donc bientôt, on aura un site internet avec une adresse que je pourrais vous communiquer. Pour l'instant, malheureusement, il n'est pas encore finalisé. Néanmoins, on a des plaquettes, on est sur Facebook. Donc sur Facebook, vous tapez Assos Silence Parler, vous nous trouvez très facilement. Et on a une adresse mail, un numéro de téléphone et des dépliants qu'on met à disposition quand les gens nous les demandent. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous... Et un local ? Ah, bien le sûr, fameux tiers-lieu, bien sûr, par bien exemple. Sûr, bien où sûr. Se trouve ce fameux tiers-lieu ? Bien sûr, vous rue pouvez, quoi, oui, effectivement, actuellement, on est beaucoup concentré sur le tiers-lieu, donc on y a un bureau également. Donc vous pouvez venir nous voir sur la salle Corel, donc sur le quartier des Provinces, au croisement de l'avenue de l'Europe et du président Schuman. D'accord. C'est une ancienne église toute rouge, toute pointue, on ne peut pas la rater, oui. Et c'est juste en dessous, dans le sous-sol. D'accord. Bon, voilà. Et votre numéro de téléphone, vous pouvez nous le communiquer ? Ah oui, oui, bien sûr. Donc, c'est le 06 87 37 26 32. Bon, bah, merci beaucoup pour ces informations. De rien, merci à vous pour votre invitation. Alors, nous retrouvons Alain maintenant pour nous parler de la vie secrète de la fée Clochette. Oui, bonjour. La vie du muguet sauvage. Cette plante pousse sur des sols nature, variés, secs et frais. On le rencontre en sous-bois. Il est commun dans toute la France, sauf en région méditerranée et la Corse. Le muguet sauvage, appelé aussi clochette odorante, est une plante vivace qui pousse durant le mois d'avril. Le muguet fleurit au mois d'avril et mai. Le muguet se trouve au bord des chemins, sous les bois, petites clairières ombragées, avec quelques arbres et pas beaucoup trop de soleil. On le cueille délicatement sans arracher la racine. Autrement, l'année qui va passer, il n'y aura plus de muguet. Au mois prochain. Alors, après cette chronique d'Alain, nous allons nous quitter. Car il est l'heure de laisser la place pour le 13 en forme. Donc, à la prochaine fois, peut-être au mois de juin, nous nous retrouverons avec Alain. Au revoir, Alain. Oui. Alors, pour le mois prochain, ce sera les asperges vertes. D'accord. Au revoir, Khadija. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Bertrand. Au revoir, Alain. Au revoir, tout le monde.